Le déjeuner de Molière par Paul de Musset. Tout le monde connaît l'anecdote du déjeuner de Molière avec Louis XIV, mais tout le monde ne sait pas quelles circonstances amenèrent ce repas improvisé, ni de quelle importance était cette grande faveur. Le récit en a été fait par des gens qui apparemment ignoraient de quelle façon les choses se passaient chez le roi. Il en est résulté de légères contradictions avec certains détails du petit lever. Nous essaierons de redresser les différentes erreurs que l'on a commises, et d'abord nous parlerons de l'étiquette de la chambre, pour bien comprendre ce beau mouvement de Louis XIV, qu'éleva tout à coup un comédien au niveau des princes. Il faut savoir jusqu'où allait le culte de la personne royale. Aujourd'hui qu'on ne respecte plus rien, on est frappé de l'apparence ridicule de cette étiquette guindée à laquelle les courtisans vouaient leur existence. Quand on lit que la duchesse de Bourgogne, enceinte de 8 mois, se blesse pour être allée à Marty, parce qu'il fallait que les princesses fussent du voyage, on se demande si l'odieux le cède au puéril, et si cette cour magnifique était composée de fous ou de barbares. Mais quelle éclatante réparation il faudrait faire aux préjugés, lorsqu'il rend la considération à Molière, maltraité par les officiers du château, ou qu'il permet à Racine de marcher de front avec les ducs et pairs. Après avoir ri nous-mêmes plus d'une fois d'un rire impie, en parcourant les mémoires de ce temps, nous en revenons à nous incliner respectueusement devant la véritable grandeur de Louis XIV, devant son amour sincère du beau, son envie d'être juste et généreux, et nous ne concevons plus qu'on ose mal parler du meilleur ami et du défenseur de l'auteur du Tartuffe. Sous les règnes de Charles IX et de Henri III, l'étiquette était en vigueur. Catherine de Médicis en était composée une accommodée à ses bizarreries, et qu'elle maintenait avec application. Excepté pendant ces dernières années, Henri IV ne s'occupa guère du cérémonial. Il avait trop de sensibilité, trop d'imprévus et de passion, pour subir des soins qui l'eussent gêné ou retardé à tout propos. On ne s'étonne point que le vainqueur de Coutras ne tint pas à recevoir sa chemise des mains d'un prince quand on lit ce passage d'une lettre à Sully. Un beau roi de France, qui n'a que 3 chemises et encore sont-elles percées. Celui qui se faisait éveiller avant le jour afin de surprendre l'ennemi et qui écrivait dans un cabaret à la belle Corisandre pour lui annoncer la victoire, bien qu'il fût encore tout sang et pourpre, ne pouvait avoir derrière lui monsieur le porte-manteau, chargé de lui garder son épée, sa montre et ses reliques. Celui qui se jetait à bas de son cheval pour embrasser en pleurant les échevins de Paris, lui offrant les clés de la ville, devait naturellement oublier que monsieur le premier avait pour emploi de tenir l'étrier et de présenter l'épaule au roi lorsqu'il descendait de cheval. Louis XIII, bourru, mélancolique et sujet à des manies, préférait souvent les soins d'un obscur valet de chambre dont la mine lui plaisait à ceux des grands seigneurs. Monsieur de Rambouillet, maître de la garde-robe, eut à souffrir des passe-droits qui le mettaient au désespoir et finalement donna sa démission parce que son visage n'était pas agréable au roi. L'étiquette est comme ces bonnes traditions du théâtre qui se perdent lorsqu'on laisse une pièce hors du répertoire pendant 10 ans. Elle ne peut point s'arranger avec les antipathies. Aussi allait-elle de travers chez Louis XIII. Anne d'Autriche, nourrie à la cour d'Espagne, avait dans le sang la quintessence du cérémonial. Les troubles de la régence et les prétentions folles des princes entraînèrent une telle confusion des rangs qu'elle ne put jamais rétablir l'ordre. Le roi, son fils, remit tout en place. Il se posa comme le soleil au milieu de ses astres indociles, les groupa autour de lui dans une symétrie parfaite, et trouva l'art de leur persuader qu'il n'était plus pour eux d'autre éclat que celui qui venait de ses rayons. Toute rivalité avec le monarque, une fois impossible, les grands, au lieu de jouter entre eux à qui aurait la suite la plus nombreuse, ou bien à qui mettrait ses secrétaires derrière soi au conseil, ne cherchèrent plus d'autre gloire que celle de plaire à leur maître, d'approcher de sa personne, de lui rendre quelques services et de recevoir quelques marques de familiarité ou de distinction. Le roi fut obligé de calculer ses moindres gestes et de peser ses paroles, et certes, il fallait beaucoup de dévouement au principe pour s'interdire toute espèce de laisser-aller et de mouvement spontané. La conversation de Louis XIV sortait rarement du convenu. Même lorsqu'il parlait sur les arts ou sur les belles-lettres, il constatait le plus souvent, de crainte d'erreur, que 2 et 2 faisaient bien 4, et encore il ne s'y hasardait qu'après avoir au préalable consulté les beaux esprits et les connaisseurs. Sans éducation, sans lumière, avec un goût sujet à contestation, il parvint par l'amour de l'ordre et de la rectitude, par l'envie de bien faire et la force de la volonté, à des résultats que des princes plus intelligents et plus éclairés n'ont pas atteints. Le roi ne voulait point qu'il y eût en France une parcelle de talent et de génie qui ne concourût à sa gloire. Il n'en faut pas davantage pour faire un grand règne et un grand siècle. Molière, tel que nous le voyons, était impossible sans l'appui de Louis XIV. Ayant pour ennemis acharnés les gens de cour, les précieuses et leur immense coterie, le clergé entier, les médecins, il eût succombé 20 fois. Monsieur de la Feuillade l'eût fait assommer, après la critique de l'école des femmes. On l'eût mis à la Bastille, au seul soupçon de l'existence du Tartuffe. Il renonçait à écrire, et il se bornait à des ouvrages innocents et sans portée, comme le dépit amoureux. Molière était de la maison du roi, en qualité de valet de chambre et tapissier. Il était de semaine à son tour pour faire le lit de sa majesté, Louis XIV ayant souhaité que M. Poquelin conservât son emploi. Il avait les entrées dans la chambre, au petit lever, au déboté et au coucher. Le roi le recevait volontiers de bonne humeur, s'informait s'il avait un ouvrage sur le chantier, si son théâtre allait à son gré. Comme il avait plus à lui dire qu'à la plupart des grands seigneurs, et que les sujets de conversation fournis par la présence de Molière pouvaient intéresser les assistants, le roi lui parlait beaucoup, tandis qu'il en finissait en 2 mots avec les princes eux-mêmes. Louis XIV aimait Molière, et ne craignait pas d'exciter des jalousies par ses familiarités avec un comédien dans lequel les ambitieux ne voyaient point un rival. Un mot amical ou un sourire adressé à Lauzun valait une dignité ou un ordre. Adressé à Molière, il n'engageait à rien. Mais le jour où ce comédien passa sur le corps à tous ces grands personnages et prit pour un instant le rang de prince, quel saisissement parmi les gens de cour! Ce fut à n'en pas croire ses yeux. Avant de compter comment le fait arriva, c'est ici le moment de dire quelle était l'étiquette de la chambre et combien elle ajoutait au prestige de la majesté royale. Le premier valet de chambre en quartier couchait sur un lit de camp dressé au pied de celui du roi, en dehors de la balustrade. Il se levait doucement, 1 heure avant sa majesté, s'habillait dans l'antichambre, et allait avertir le grand chambellan et le premier gentilhomme en année s'ils n'étaient point encore arrivés. 1 quart d'heure avant d'éveiller le roi, on entrait dans sa chambre, allumait le feu. On ouvrait les volets sans bruit, et on enlevait la bougie et le mortier. Ce mortier était un vase de bronze dans lequel un gros morceau de cire jaune, posé dans l'eau, brûlait au moyen d'une mèche. On ôtait le lit de camp et la collation de nuit appelée l'anka. Nous verrons plus tard en quoi elle consistait. L'heure à laquelle le roi avait commandé qu'on l'éveillât venant à sonner, le premier valet de chambre s'approchait du lit et disait « Sire, il est l'heure ». Il ouvrait alors aux garçons de la chambre. L'un d'eux allait au gobelet et un autre à la bouche commandait le déjeuner du roi. Un troisième prenait possession de la porte. Tant qu'il y était, il ne laissait passer que les personnages ayant les entrées au lit du roi. En 1664, la liste se réduisait à ceux dont les noms ou les titres suivent. Monsieur, frère du roi, monsieur le prince de Condé, le prince de Conti, le duc de Longueville, les ducs de Vendôme et de Beaufort, messieurs de Lauzun, de Guiche, Vardes et d'Anjou. L'année suivante, 1665, messieurs de Guiche et Vardes furent exilés à cause de l'affaire des lettres anonymes et d'Anjou se rendit sans doute important puisqu'il fut remis aux premières entrées. Lauzun seul resta. Le confesseur du roi, le premier médecin, Ballot, le premier chirurgien, Félix. La porte s'ouvrait à 2 battants pour monsieur, à 1 seul battant pour les autres. En entrant, on s'approchait du lit, en dehors de l'enceinte, et on se tenait en silence. Le roi étant encore couché, monsieur Bontemps, premier valet de chambre, lui versait de l'esprit de vin sur les mains. Le grand chambellan présentait l'eau bénite, et quand sa majesté avait fait le signe de la croix, on pouvait lui adresser la parole. 1 quart d'heure se passait en conversation, puis, on voyait arriver le barbier Quentin, tenant 2 perruques ou plus. Le roi en choisissait une que le sieur Quentin emportait pour la friser et l'accommoder. Au sortir du lit, le roi mettait ses mules et sa robe de chambre, présentée par le grand chambellan. Il s'approchait du feu et s'asseyait dans le fauteuil, tandis que les garçons de garde-robe franchissaient l'enceinte et enlevaient le haut de chausse et l'épée. Monsieur présentait, entre 2 assiettes de vermeil, une serviette dont un coin était mouillé. Le roi se lavait le visage, en attendant que le barbier vînt raser la barbe et tailler ou parfumer les moustaches. Ces préliminaires, si courts, étaient fort précieux pour les gens de l'entrée au lit du roi qui avaient les premiers l'oreille de Sa Majesté. Une fois Louis XIV assis au fauteuil, on annonçait dans l'antichambre qu'il faisait enfin petit jour et que le petit lever allait commencer. Le premier gentilhomme ôtait le bonnet de nuit de la tête du roi, qui demandait à l'instant même la première entrée. Monsieur Bontemps répétait à haute voix « La première entrée !» Aussitôt, le garçon de la chambre ouvre la porte et les courtisans favorisés d'un brevet d'entrée se présentent. Leur nombre n'est pas considérable. Ce sont messieurs de Mazarin, Villeroy, Beringen et quelques autres des plus confidents qu'a eu le roi, comme on disait alors. Pour le service, on fait encore passer les secrétaires du cabinet, les lecteurs, les contrôleurs de l'argenterie, les médecins ordinaires, l'apothicaire en chef, le commandant des équipages, le concierge des tentes. Quentin peigne le roi, qui se peigne aussi lui-même. Un valet de chambre tient le miroir. La toilette marche encore lentement et, quoique Louis XIV ne fasse guère au petit lever que se nettoyer les ongles, cela dure assez pour qu'on ait le temps de lui en dire long, de lui conter les nouvelles et de tâcher de le mettre en bonne humeur. C'est le moment où les flatteurs savent profiter de la paresse du matin, du négligé de la robe de chambre, pour avancer d'un pas dans l'intimité du monarque. L'absence de la perruque est d'un point impossible à déterminer dans l'abandon où semble alors la majesté royale. L'arrivée de cette perruque apporte un changement à l'état d'esprit de Sa Majesté aussi bien qu'à l'étiquette. Quentin paraît, tenant à sa main les petits cheveux. Dès qu'ils sont placés sur la tête du roi, les officiers de la garde-robe entourent le fauteuil, portant chacun une pièce de l'habillement, et Louis XIV s'écrie « Ma chambre !» Le mouvement et l'activité succèdent au calme. Le grand lever commence. Les huissiers de la chambre s'emparent de la porte. On laisse entrer les ambassadeurs, les ducs et pairs, les maréchaux, les lieutenants généraux, les prélats d'église, etc. Et enfin, en 1690, M. Racine. Pour ces dernières entrées, il n'est pas besoin d'un brevet. Avant d'ouvrir à ceux qui ne viennent pas tous les jours, l'huissier dit leur nom au premier gentilhomme qui les répète au roi. Si Sa Majesté ne fait point de réponse, on leur ouvre la porte. M. Racine entrait tout droit, sans qu'on allât demander pour lui. Le service amenait une si grande foule d'officiers de la bouche, du gobelet, des écuries, des chasses et de la maison, que nous en négligeons l'énumération, comme inutile et sans intérêt. Cependant, le roi commence à s'habiller dans le fauteuil. Chacune de ses hardes, apportées de la garde-robe par les garçons, passe entre plusieurs mains avant d'arriver jusqu'à lui. On lui présente d'abord son haut-de-chausses, auquel sont attachés ses bas de dessous, et il les met lui-même. Ensuite, on lui offre plusieurs paires de bas de soie, d'estam ou foulées, suivant la saison. Un valet de chambre ordinaire lui chausse ses souliers, dont les boucles sont de diamants, et il attache lui-même ses jarretières. Cela fait, le sieur Quentin rase le roi. Pendant cette cérémonie, un officier de la bouche apporte sur un plateau de vermeil le déjeuner, qui se compose d'un bouillon. Il le donne au grand chambellan, qui le met sur un guéridon. Aussitôt que la barbe est achevée, le roi déjeune. Deux officiers du gobelet tiennent le vin et l'eau. Un troisième porte une serviette dans une soucoupe de vermeil. Le premier gentilhomme goûte le vin et l'eau, essaye le verre, le rince lui-même et le présente au roi qui se verse à boire. Or, il faut que Sa Majesté s'essuie. Et comme la présentation de la serviette est un des articles d'honneur, c'est monsieur ou le premier prince du sang qui ont le privilège de l'offrir. Ceci amène un incident compliqué. Monsieur étant frère du roi, on est aussi honoré de le servir. Et pour donner la serviette, il faut qu'il se débarrasse de ses gants et de son chapeau. Monsieur le grand chambellan se détourne donc du service du roi. Il prend les gants et le chapeau de monsieur, mais comme le frère de Sa Majesté ne peut pas recevoir la serviette des mains d'un officier du gobelet, le premier gentilhomme ou le grand maître de la garde-robe laisse aussi le service du roi pour passer la serviette à monsieur qui la présente enfin au roi. Quand Sa Majesté a déjeuné, elle quitte sa robe de chambre. Le grand maître de la garde-robe tire la camisole de nuit par la manche droite et le premier valet de garde-robe par la manche gauche. Le roi ôte les reliques pendues à son cou. Le premier valet de chambre les enferme dans un petit sac et les porte avec la montre et la bourse dans le cabinet. Ici commence l'épisode intéressant et épineux de la chemise. En dehors des officiers de la chambre, la chemise ne peut être donnée que par monsieur, monsieur le prince, monsieur de Conti, son frère, ou monsieur de Longueville. Si aucun prince n'assiste au lever, la chemise revient au grand chambellan. À l'ordinaire, voici par quel ricochet cette pièce de l'habillement arrive aux épaules de sa majesté. Le premier valet de garde-robe apporte la chemise dans un plateau de vermeil et recouverte d'un taffetas blanc. Il la remet au premier gentilhomme, tandis que monsieur donne son chapeau et ses gants au grand chambellan. Le frère du roi prend ensuite le plateau des mains du premier gentilhomme, découvre la chemise et s'approche du fauteuil. Deux valets de garde-robe soulèvent ensemble la robe de chambre du roi en manière de rideau, et c'est derrière ce rempart que le changement s'opère. Le premier valet de chambre aide sa majesté à passer la manche droite, et un garçon de garde-robe se charge de la manche gauche. Le roi se lève du fauteuil, monsieur reprend ses gants et son chapeau, et délivre aussi le grand chambellan qui aide sa majesté à nouer ses cordons et à boutonner son haut de chausse. Alors le rideau tombe, et les assistants peuvent regarder le monarque debout en manche de chemise. Pendant cette première partie de la toilette, le roi n'a guère vu que les princes. Les courtisans, à distance du fauteuil, ont causé entre eux, et lorsqu'ils font trop de bruit, un huissier vient les prier poliment de parler bas. C'est à la seconde partie que la conversation devient générale. On enlève le fauteuil. Le roi, étant debout, s'adosse à la cheminée. Tout le monde peut lui adresser la parole. Le reste de la toilette appartient uniquement au grand maître de la garde-robe. C'est lui qui offre les nœuds de cravate à choisir. Il attache la veste, l'habit, la ceinture, l'épée, le collier des ordres ou le cordon bleu. Il donne aussi le mouchoir, la canne, les gants et le chapeau. Les jours de grande cérémonie, c'est encore lui qui apporte le manteau et présente jusqu'au sceptre et à la couronne s'il y a lieu. La raison en est facile à comprendre. Toutes ces choses demandent à être mises avec goût, et il faut que le grand maître en ait fait une étude. Personne ne saurait l'y aider ou le remplacer. Tandis que le roi cause en achevant de s'habiller, un page de la chambre pose devant le lit un carreau de tapisserie. Sa majesté quitte la cheminée, dépasse la balustrade d'enceinte, s'agenouille sur le carreau pour dire ses prières, alors on ouvre les portes et la foule se retire. Louis XIV dînait au sortir de la chapelle, car il entendait la messe tous les jours. Habituellement, on servait à 10 ou 11 heures du matin, dans les appartements et en famille. Les duchesses étaient assises et les autres dames debout à l'entour de la table. Les violons jouaient, dirigés par M. Lully ou M. de Lalande, qui étaient chargés de connaître des voix et instruments pour faire bonne musique au roi. On appelait cela « dîner en famille royale ». Souvent, Sa Majesté dînait seule dans sa chambre. On y introduisait alors que monsieur et ceux à qui nous avons vu l'entrée auprès du lit. Le frère du roi présentait la serviette, après quoi Sa Majesté lui disait « Asseyez-vous, monsieur ». Le premier gentilhomme approchait un siège, mais monsieur restait debout jusqu'à ce que le roi eût ajouté « Monsieur, vous pouvez vous asseoir ». Le dîner achevé, Sa Majesté passait dans son cabinet, où monsieur pouvait seul l'accompagner. Plus tard, Monseigneur le Dauphin eut, dans la chambre, les mêmes privilèges que le frère du roi, ainsi que le duc de Chartres, le régent et les enfants légitimés. Lorsqu'il y avait chasse, promenade ou tir, les courtisans n'assistaient pas à la seconde toilette qui précédait la sortie du roi. Pour épargner à Sa Majesté la peine de répéter à ses gens ce qu'elle voulait faire, les officiers jugeaient par les changements de l'habillement du but de la promenade. Le roi demande ses éperons. Aussitôt, on court préparer les chevaux de selle. Monsieur le premier écuyer se place au bas de l'escalier. Comme le roi ne sort du château qu'en carrosse, les chevaux suivent et Sa Majesté ne les monte que dans la campagne. Au bas des degrés, monsieur le premier reçoit des mains du porte-manteau l'épée qu'il remet au roi à la descente de carrosse. Si le roi n'a pas ses éperons, le porte-manteau garde l'épée. Les fonctions du porte-manteau sont dignes d'être rapportées. C'est lui qui tient les hardes et les objets que Sa Majesté quitte pendant la promenade, le tir ou la partie de pomme, le manchon, la canne, le chapeau, la montre. Il a une pochette faite exprès à son haut-de-chausse pour y mettre les reliques. Quand le roi joue, le porte-manteau présente les balles à Sa Majesté. Il paye les frais du jeu et commande, pour le maître de pomme et les officiers qui assistent à la partie, une collation honnête, si on est après-dîner ou un déjeuner, si c'est le matin. Il ne faut pas croire que pendant les sorties du roi, l'étiquette s'endorme un instant. La chambre est un sanctuaire où le feu sacré brûle encore en l'absence du dieu. Un garde en faction se tient devant l'enceinte et ne laisse point approcher de la balustrade. Les dames qui visitent l'appartement doivent faire la révérence en passant devant le lit de Sa Majesté. autour de la promenade s'opère le déboté. C'est le moment où l'on parvient le plus aisément auprès de Louis XIV. On y retrouve les gens des entrées, grandes et petites. D'autres courtisans se glissent dans la chambre sans qu'on les chicane. Messieurs les gentilshommes ordinaires peuvent y amener les personnes qu'ils veulent obliger en les faisant parler au roi. Le premier valet de chambre tire la botte droite, un garçon de la chambre ôte la botte gauche. Si sa majesté fait une toilette complète, un prince offre encore la chemise. Mais s'il n'y a point de prince déboté, ce qui arrive souvent, c'est le grand chambellan qui offre la chemise. Les jours de chasse au cerf, le roi donne, après le déboté, une collation aux dames qui l'ont accompagné. Cette collation est servie dans le cabinet. Excepté le grand chambellan, le premier gentilhomme, le grand maître de la garde-robe et les officiers nécessaires au service du repas, les hommes et les princes eux-mêmes en sont exclus. Pour ne point nous arrêter à des détails trop minutieux, nous passons sur la fin de l'après-dîner, et nous arrivons à la nuit. On allume les lustres ordinaires dans les appartements. Partout où le roi circule, deux huissiers marchent devant lui, portant des flambeaux d'or avec des bougies. Monsieur est aussi précédé par ses huissiers munis de flambeaux d'argent. Ils l'éclairent partout, à l'exception de la chambre du roi, dont ils n'ont pas l'entrée. Lorsque monsieur y pénètre, ses gens l'attendent dans l'antichambre. En hiver, il y a de 3 jours l'un, appartement au château, et de 3 jours l'un, comédie française ou ballet. Les soirs d'appartement, on allume les lustres extraordinaires. On dresse des tables pour toutes sortes de jeux. Les cartes, les dés, le tric-trac, les échecs, le trou madame. À partir de l'année 1695, il y eut un billard chez le roi qui s'était pris de passion pour ce jeu nouveau. Monsieur de Chamillard y excellait. Le roi n'assiste point aux appartements. C'est un régal qu'il donne à sa cour et il prend ce temps pour aller voir madame de Lavallière avec ses amis les plus intimes. On joue jusque dans sa chambre et son cabinet. Mes deux gardes en faction empêchent d'entrer dans l'enceinte du lit et ne souffrent pas qu'on approche du bureau ni de la table de travail. À moins que le roi ne soit incommodé ou qu'il n'ait pris médecine, il soupe toujours en famille. Les princes, les princesses du sang et les enfants sont du repas. Les dames assises et debout autour de la table, comme au dîner. Il y a musique. Après le souper, le roi va souvent au salon de la reine. Pendant ce temps-là, on commence dans la chambre les préparatifs du coucher. Deux officiers du gobelet apportent la collation, appelée en cas de nuit. Elle consiste en 3 petits pains, 2 bouteilles de vin différents, dont une d'Espagne ou de muscat, un flacon d'eau, un verre, une tasse de vermeil, plusieurs serviettes et 3 assiettes. Pour en faire l'essai, le premier valet de chambre goûte le vin et l'eau. On place le fauteuil devant le feu. Le barbier Quentin prépare les peignes. Un valet de chambre dispose dans la ruelle les coussins sur lesquels le roi doit dire ses prières. Il allume le bougeoir à 2 bobèches et se tient dans l'alcôve. Les officiers de la garde-robe étalent la robe de chambre sur le dossier du fauteuil et les hardes de nuit sur la toilette de velours rouge. Dès que Sa Majesté quitte les salons et se retire par les petits appartements pour aller se coucher, les gens des entrées grandes et petites vont à la chambre. L'huissier les reçoit. Le roi arrive bientôt par la porte de son cabinet où il trouve le grand maître de la garde-robe auquel il donne son chapeau, ses gants et sa canne. Celui-ci les passe à un valet de chambre qui porte l'épée dans l'enceinte du lit. Comme il y a toujours foule dans ce moment, l'huissier de l'intérieur fait ranger les assistants pour que le roi entre dans sa ruelle. L'aumônier accompagne Sa Majesté, prend le bougeoir et récite l'oraison. Quaesumus omnipotens Deus, etc. Quand le roi fait le signe de la croix et se relève, le premier valet de chambre ôte le bougeoir à l'aumônier, prend les reliques, la montre et marche devant le roi jusqu'au fauteuil. « À qui votre majesté veut-elle donner le bougeoir ?» dit le grand chambellan. Le roi parcourt des yeux l'assemblée, désigne la personne qui l'honore de cette faveur. L'élu s'avance et soutient le bougeoir pendant la toilette de nuit. Le grand maître de la garde-robe débarrasse Sa Majesté de toutes les hardes dont il a seul la surveillance, et le roi s'assied ensuite dans le fauteuil. Chacun défait le soir ce qu'il a mis le matin. La cérémonie de la chemise s'opère de la même façon jusqu'au lever. Il y a seulement une personne de plus derrière le rideau, celle qui a l'honneur du bougeoir. Aussitôt que la robe de chambre est endossée, le roi se lève et fait un salut à la compagnie. Le premier gentilhomme reprend le bougeoir et les huissiers crient « Allons, messieurs, passez !» Tandis que la cour se retire, le capitaine des gardes, le commandant des 100 Suisses et le colonel des gardes françaises reçoivent du roi le mot d'ordre. Ils sortent les derniers. Les grandes entrées étant fermées, il ne reste plus que les gens qui ont la petite entrée le matin. Quelquefois, les violons jouent pendant le petit coucher, mais cela n'est pas fréquent. À l'instant où la porte est fermée, on enlève les cheveux du roi et on le peigne sur un pliant près de l'enceinte du lit. Un valet de chambre pose sur la balustrade plusieurs mouchoirs et bonnets de nuit. Le roi en choisit un que le premier valet de chambre lui attache sur la tête après qu'il s'est lavé le visage avec la serviette mouillée. Sa majesté dit ensuite à quelle heure elle veut qu'on l'éveille et commande les habits qu'elle désire mettre le lendemain. L'huissier ouvre de nouveau la porte, fait sortir les petites entrées, le chambellan, le premier gentilhomme, et sort lui-même le dernier. Il ne reste plus que le premier valet de chambre, M. Bontemps, et ses garçons de chambre. Avant de se mettre au lit, le roi passe un quart d'heure dans le cabinet où sont les chiens. Il s'amuse à les flatter et cause avec le porte-arquebuse pendant qu'on dresse le lit de camp du valet de chambre en service de nuit. Lorsqu'il rentre, on allume le mortier et une bougie dans un coin. Ces deux lumières brûlent jusqu'au matin. Le roi étant couché, le premier valet de chambre ferme les rideaux du lit, tire les verrous des portes et sort par le cabinet. Si le roi veut se rendre à l'appartement de la reine, M. Bontemps envoie avertir les femmes de la visite de sa majesté. On ferme les rideaux de la reine. Le premier valet de chambre, marchant devant le roi, porte l'épée et le bougeoir. Il entre ainsi jusque dans la ruelle et dépose l'épée auprès du lit, sur un pliant, du côté où le roi doit se placer, puis il se retire avec les femmes. En temps de guerre, lorsque le roi va en campagne, on emporte deux mobiliers complets de la chambre et partout où sa majesté s'arrête, on lui dresse un appartement que l'on dispose comme celui de Saint-Germain ou de Paris, autant que les localités le permettent. L'étiquette s'y pratique au lever et au coucher, de même qu'en temps de paix au château. Il semble, à voir cette cérémonie assez expéditive et le grand nombre de personnes présentes, que l'occasion d'y faire sa cour et de dire ce qu'on souhaite n'y soit pas facile à saisir. C'est pourtant là que les ambitieux et les fins courtisans glissent leurs requêtes à l'oreille, réparent leurs erreurs, jugent du degré de faveur où ils sont par la mine que leur montre le monarque, éclaircissent les sujets de grief, combattent la calomnie, risquent la plaisanterie et le sarcasme, et arrachent le bon mot qui les fait riches ou puissants. C'est le terrain le plus glissant pour le maladroit, l'importun, l'homme disgracié de la nature ou enrhumé, car Louis XIV a horreur des rhumes et de la laideur quand elle dépasse un certain degré. Mais c'est la reine la plus favorable pour l'homme adroit qui, du coup d'œil, la répartie prompte et surtout la présence d'esprit et une audace bien déguisée sous le masque de l'enjouement. C'est au petit lever, quand le roi n'est pas encore rasé par Quentin et qu'il n'a pas ses idées bien nettes, que Lauzun lui arrache la permission d'épouser la grande mademoiselle, la cousine germaine de sa majesté. Le roi est le plus honnête homme de son royaume et n'a qu'une parole. Le consentement lâché, tout le monde dit que Lauzun épousera mademoiselle. Cependant, c'est au petit coucher, en offrant la chemise, derrière la robe de chambre, que monsieur et monsieur le prince excitent le roi à retirer sa promesse. Il se rétracte, pour la première fois de sa vie. Alors paraît ce visage de Lauzun, si plein de résignation et de désespoir. Le roi, confus en présence de ce remords vivant, l'accable de faveur, pour le consoler de son mariage manqué. C'est au petit lever que Varde, froidement accueilli, se creuse l'esprit à chercher comment on a pu découvrir sa lâcheté de lettres anonymes. Il veut faire le plaisant et l'homme dégagé. Le malheureux s'enferre de plus en plus. Un regard terrible du roi le glace jusqu'au fond de l'âme. Il sort bouleversé, rentre chez lui et trouve le capitaine des gardes qui l'arrête et le mène en prison. C'est au lever et au coucher du roi qu'on voit pendant 3 mois le noble et discret Lavaux Guyon, appuyé sur la balustrade du chevet, comme une image de la mélancolie attendant l'effet des promesses du roi. Quelques chétives dettes, une répugnance invincible à faire l'importun, un cœur trop délicat, telles sont les causes de sa tristesse et de son silence. Un beau matin, on ne voit plus personne contre l'enceinte. Lavaux Guyon s'est brûlé la cervelle, et Louis XIV, désolé, brusque M. Bontemps et gourmande Quentin lui-même. C'est assurément au grand lever que M. Racine, après avoir imprudemment critiqué Scarron devant sa veuve devenue reine de France, remarque un changement notable dans l'accueil du roi et s'en va mourir de chagrin, laissant sur son bureau le plan d'une belle tragédie. Hélas, M. Racine, pourquoi prendre les faiblesses du courtisan, vous qui étiez le prince des poètes vivants? Le vieux Corneille, regardant ses lauriers qui se desséchaient avant de repousser sur son tombeau, n'était point mort des dégoûts que vous lui aviez attirés, Il n'avait pas cédé un seul jour à la parque et s'était couché dans le cercueil, tout chargé d'ans et plein de confiance dans le jugement de la postérité. Il fallait faire comme lui, rentrer chez vous, désabuser sur les vanités de la faveur, pour écrire paisiblement votre Iphigénie en tauride. Mais revenons à l'année 1664 et à Molière. On voit, par ce qui précède, qu'il jouissait des entrées à toute heure en qualité de valet de chambre. À moins d'un congé, ses travaux et son théâtre devenaient incompatibles avec son emploi. Puisqu'il était plus souvent parmi ses camarades ou dans sa maisonnette d'Auteuil qu'au lever du roi, il faut que Louis XIV l'ait quelquefois dispensé d'un service qui l'eût mis, nuit et jour, aux ordres de M. Bontemps. Il venait au château comme ami et comme courtisan. Son emploi était un prétexte, car il en fallait un, et cette cour si prosternée devant le monarque était d'un orgueil accablant pour le reste du monde. Le roi ne faisait rien sans dessein. Il savait parfaitement pourquoi. En s'adressant à l'auteur du Tartuffe, il l'appelait Molière, tandis que les assistants disaient « Monsieur Poquelin, valet de chambre de Sa Majesté ». Que le pauvre Molière a dû souffrir dans cette chambre si méthodique, et que de passion il étouffait au milieu de ses fadaises majestueuses. Malgré la mauvaise conduite de sa femme, il adorait Armande Béjart, et tous les matins, au petit lever, il retrouvait M. de Guiche, qu'elle avait aimé, ou M. de Lauzun, dont elle était encore la maîtresse. Heureusement, le roi témoignait tant d'amitié à Molière. Il causait avec lui d'une humeur si gaie, lui donnait tant de marques de sa bonté, que cela remettait un peu de baume sur ce cœur malade. Sa Majesté l'entretenait sans cesse de ses comédies, des divertissements qu'on y mêlait, du jeu des acteurs, lui soumettait parfois des observations et se rendait toujours à ses avis en répétant « Vous devez avoir raison, vous vous y connaissez mieux que moi ». Notre grand philosophe n'avait pas encore produit ses œuvres capitales. Il en était à l'École des femmes et à la critique dont cette pièce fut suivie. Monsieur le duc de La Feuillade, détracteur de la comédie, avait servi de modèle pour le marquis. On peut juger de sa colère lorsqu'il se vit traduit sur la scène et qu'il retrouva son mot de tarte à la crème dont il avait rempli le château. Rencontrant un matin Molière dans une galerie, le duc lui ouvre les bras en le suppliant de permettre qu'il l'embrasse. Molière s'incline avec respect pour recevoir cette accolade et M. de La Feuillade, lui saisissant la tête dans ses mains, lui frotte rudement la joue contre les boutons de son juste corps. L'année était malheureuse. C'est dans le même temps que paraît le libelle infâme de Montfleury, acteur de l'Hôtel de Bourgogne, qui accuse Molière d'avoir épousé sa propre fille. Cependant Belloc, poète de cour et valet de chambre, voyant ses camarades refuser de faire le lit du roi avec un baladin, dit un jour à Molière en ôtant son chapeau « Monsieur, voulez-vous bien permettre que j'aie l'honneur de faire avec vous le lit de Sa Majesté ?» Louis XIV veut être le parrain du premier enfant d'Armande Béjart. Tout cela ne suffit pas encore à relever Molière. Les gens de cour l'accablent de mépris. Les officiers du château qui mangent avec lui chez le contrôleur de la bouche quittent la table en refusant de s'asseoir à côté d'un histrion. Molière leur cède la place et renonce à des droits qu'on assaisonne de pareils dégoûts. Le roi est averti par Belloc de ce qui se passe. Il cherche dans sa tête un moyen d'en finir une fois pour toutes avec ses cruautés et ses jalousies. Dans les récits qu'on a fait partout, Louis XIV, pressant Molière par ses questions, le force d'avouer ses indignes traitements. Il demande son en cas de nuit et sa table avec le comédien. Il lui sert une aile de poulet, lui verse à boire et appelle la première entrée. Ce sont les favoris et les grands seigneurs seulement qui assistent au déjeuner. À ce compte-là, le but ne serait atteint qu'à moitié. Les ducs et pairs, parmi lesquels est M. de La Feuillade, attendraient encore à la porte et ne sauraient la nouvelle que par les bruits de l'antichambre. Mais l'inflexible étiquette et la simple vraisemblance prouvent qu'il y a dans le récit de petites erreurs. Les détails que nous avons donnés sur le petit lever sont authentiques, invariablement les mêmes dans tous les mémoires du temps et les ouvrages qui ont traité de ce sujet. Le lecteur a vu que la première entrée paraît au moment où le roi sort de son lit et s'assied dans le fauteuil. Louis XIV n'a pas pu se mettre à table étant encore couché. Il faut donc que cette première entrée ait eu lieu avant l'événement. Le fameux coup de théâtre des portes ouvertes pendant le déjeuner a dû s'exécuter pour les personnes de la dernière entrée où passe M. de La Feuillade. C'est celle des courtisans. Elle s'opère quand le roi demande sa chambre. En effet, la leçon n'est bonne et profitable que pour les gens de la cour et de la maison du roi. Les princes sont trop haut placés et les favoris trop adroits pour être ennemis de Molière. Les dernières entrées amènent les officiers de la bouche et de la chambre, ceux-là précisément qui ont maltraité le poète. Il est donc physiquement et moralement impossible que le déjeuner de Molière ait eu lieu avant l'instant où le roi, assis au fauteuil, a demandé la première entrée. Nous avons expliqué plus haut comment, en ouvrant les volets, on enlève immédiatement l'encas de nuit avec la bougie et le mortier. Il se peut que les garçons de chambre ne le portent pas loin, et que Louis XIV n'ait qu'un mot à dire pour qu'on le remette sur le guéridon. L'aile de poulet dont on a orné le repas ressemble fort à une amplification des narrateurs. Le grand point n'était pas précisément de régaler Molière, mais bien de le mettre à la table du roi et même, selon nous, la simplicité des mets ajoute à l'importance de la distinction. Ce semblant de repas donne encore plus de prix et une signification plus nette à la faveur. On s'est figuré apparemment qu'un aussi puissant monarque ne pouvait avoir moins qu'un poulet rôti pour les cas d'appétit nocturne. Ce luxe d'imagination est une puérilité. Louis XIV avait l'odorat fort délicat. Il eût difficilement supporté le séjour d'un poulet rôti dans sa chambre à coucher et près de son lit. D'ailleurs, la vérité a le pas sur tous les raisonnements du monde. Il est certain que l'encas de nuit se compose seulement de 3 petits pains, de 2 bouteilles de vin différents, dont une d'Espagne ou de muscat et d'un flacon d'eau. Nous l'aimons mieux ainsi, tel que l'étiquette nous le donne, et s'il faut absolument que le convive du roi ait le goût flatté autant que l'amour-propre satisfait et le cœur touché, on peut se persuader que les vins que Sa Majesté boit sont exquis. Nous savons bien que dans les cuisines du château, on eût facilement trouvé un poulet rôti. Le grand roi n'était pas à cela près. Mais le déjeuner était alors le plus léger des repas. On ne mangeait pas de viande avant le dîner, qui se servait à l'heure où nous déjeunons aujourd'hui. L'aile de poulet n'est ni nécessaire ni vraisemblable. Ces légères erreurs, une fois relevées, le reste du récit n'a plus rien que de naturel. Voici donc comment les choses se sont passées. Louis XIV vient de quitter le lit. Il a mis sa robe de chambre et demandé la première entrée. Les assistants sont monsieur, frère du roi, monsieur le prince de Condé, messieurs de Guiche, Lauzun, Beringen et l'éternel d'Anjou. Molière entre, comme employé dans la chambre. Le roi, averti par l'honnête Belloc des impertinences et des basses envies de messieurs les officiers, lui dit aussitôt qu'il le voit « Est-il vrai, Molière, que vous faites maigre chair ici et que messieurs de la chambre ne vous trouvent pas fait pour manger avec eux ?» Il est vrai, sire, que ces messieurs s'accommodent mal de s'asseoir à côté d'un comédien, mais j'ai soin de leur épargner cette peine. Et où donc mangez-vous? Hors du château, sire. Quoi? Vous allez dîner au cabaret, lorsque je vous donne le couvert à la table du contrôleur. C'est une chose intolérable. Je saurai montrer l'état que je fais d'un comédien comme vous. Sans doute avez-vous faim? Nous allons déjeuner ensemble. Messieurs, qu'on nous serve mon encas de nuit. Les valets de chambre rapportent le plateau qu'ils viennent d'enlever et le remettent sur une table devant laquelle on pose 2 sièges. Le frère du roi lui-même ne s'asseyait jamais au déjeuner de Sa Majesté. « Asseyez-vous, Molière, reprend Louis XIV, et déjeunez avec moi. » Le roi prend un des petits pains, en donne un autre à Molière et dit, ainsi que l'étiquette le veut, « Faites entrer ma chambre. » La porte s'ouvre, la foule des courtisans, les ducs et pairs, et parmi eux le duc de la Feuillade, paraissent. Pour le service entrent aussi tous les officiers de la chambre qui ont insulté Molière. Le fauteuil du roi est vide. Les gens de cour restent stupéfaits du spectacle incroyable qui s'offre à leur regard. Dans ce moment, Louis XIV, attablé avec le comédien, lui verse à boire. « Messieurs, dit le roi, vous me voyez occupé à faire manger Molière, que mes officiers n'estiment point d'assez bonne compagnie pour eux. » Malgré la présence de ceux à qui s'adresse la leçon, ils sont de trop bas étage pour que Louis XIV leur parle. C'est au grand seigneur qui l'entoure que Sa Majesté dit, en retournant au fauteuil, « Je pense que ces messieurs ne se laisseront pas prier 2 fois pour recevoir Molière à leur table et lui rendre ce qu'ils lui doivent. » On imagine aisément de quelle confusion et de quel effroi les coupables furent saisis. Autant les gens de cette grande cour usaient de fierté à l'égard de ceux qu'ils se croyaient en droit de mépriser, autant ils étaient souples et caressants pour les autres. Ils ne se piquaient point de ménager leur procédé par des transitions subtiles et passaient brusquement, sans pudeur et sans peine, du comble de l'arrogance à la civilité la plus obséquieuse. Étiez-vous oublié du roi ou en disgrâce? Vous aviez cessé d'exister. Vous ne comptiez plus sur la terre. Vous ne méritiez pas un regard seulement. receviez-vous une marque certaine de faveur, vous deveniez à l'instant un homme adorable, un demi-dieu. On n'allait pas avec vous par deux chemins. On vous pressait les mains, on vous accablait de protestations d'amitié, on ne pouvait plus vivre sans vous. On aurait dit volontiers comme Andromaque, « Je ne l'ai pas encore embrassé d'aujourd'hui. » Et ceci n'est pas une exagération, ce n'est que l'exacte vérité. Monsieur de la Feuillade, le plus démonté flatteur qui fut sous le ciel, ne reparla jamais de ses griefs contre l'auteur de la critique, et cette tarte à la crème qu'il avait eue si fort sur le cœur se trouva du coup parfaitement digérée. L'histoire raconte que Molière reçut, le jour de ce déjeuner, des invitations de toutes parts, chez les plus riches et les plus orgueilleux, sans remettre au lendemain. Nous gagerions que le duc de la Feuillade n'arriva pas le dernier. Pour ce qui est des officiers de la bouche et de la chambre, il va sans dire qu'ils s'estimèrent trop heureux de manger avec M. de Molière, leur cher confrère, qui faisait des comédies admirables, et qui méritait si bien les bontés que le roi lui témoignait. Mais qui pourrait écrire ce qui se passa dans la tête du poète? Quel mouvement la surprise et la reconnaissance firent naître dans ce cœur si facile à remuer? De telles émotions ne pouvaient être exprimées que par celui qui les avait senties, et nous regrettons vivement que son ami Chapelle n'ait pas mis par écrit le récit que Molière lui fit sans doute au coin du feu à son retour du château. Malheureusement, Chapelle n'était qu'un ivrogne, trop occupé de ses plaisirs pour connaître le prix inestimable de l'intimité de Molière. Au lieu de nous laisser d'assez méchants vers, des chansons dont on ne se soucie plus ou des épigrammes qu'on ne lit pas, il aurait pu recueillir les détails les plus précieux et tirer des seules conversations de son ami une ample matière à faire le livre le plus attachant et le plus agréable. Pour être juste, nous ne devons pas terminer sans rappeler au lecteur que M. le Prince, qui était présent au déjeuner, aimait extrêmement Molière. Après le roi, le vainqueur de Rocroi fut le meilleur appui de notre poète, et peut-être, si l'on savait bien toutes les particularités de cette scène, découvrirait-on que ce prince y joua son rôle. Le grand Condé allait beaucoup chez Molière. Ayant reconnu qu'il le dérangeait de ses travaux, il lui avait fait promettre de venir à l'hôtel de Condé toutes les fois qu'il en aurait le temps, et quand Molière arrivait, Monsieur le Prince renvoyait ses gens, rompait les audiences et les visites pour s'enfermer avec le philosophe. Ils restaient souvent ainsi à diviser ensemble pendant 3 heures sans interruption. Quant à Louis XIV, si on ne trouve pas qu'il s'est conduit avec l'auteur du Misanthrope comme le prince le plus vraiment grand, le plus délicat ami et le protecteur le plus éclairé, nous ignorons ce qu'on entend par un homme intelligent et un grand roi. Ainsi s'achève le déjeuner de Molière par Paul de Musset.